Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 37. De la discorde ou dissension. La discorde est un péché surtout engendré par la vaine gloire. 1. La discorde est-elle un péché? Saint Paul a placé la discorde ou la dissension au nombre des œuvres de la chair, dont il a dit, « Ceux qui s'en rendent coupables ne parviendront point au royaume de Dieu. » Galates 5, 21. Le péché mortel seul exclut du royaume de Dieu, donc la discorde est un péché mortel. Elle est, en effet, contraire à la concorde, qui est l'effet de la charité. Il faut cependant savoir qu'elle détruit la concorde de deux manières, directement et indirectement, c'est-à-dire avec intention ou sans intention. Celle qui la détruit directement, en résistant sciemment et avec intention, soit au bien divin, soit au bien du prochain, est un péché mortel dans son genre, à cause de l'opposition qu'elle a avec la charité. Bien que ses premiers mouvements ne soient que des péchés véniels, par l'imperfection de l'acte. Celle qui la détruit indirectement, lorsque plusieurs personnes, voulant opérer un bien pour la gloire de Dieu ou l'utilité du prochain, diffèrent d'opinion, l'une estimant une chose comme bonne, l'autre pensant le contraire, n'est point un péché, tant qu'elle n'est point accompagnée d'erreurs sur les choses nécessaires au salut, ni jointe à une injuste opiniâtreté. La concorde, qui est le fruit de la charité, est l'union des volontés, et non des opinions. Ajoutons que la discorde est tantôt le péché d'un seul, et c'est ce qui a lieu lorsque quelqu'un veut un bien qu'un autre repousse sciemment, tantôt le péché de deux ensemble, lorsque deux personnes, opposées l'une à l'autre, n'aiment que leur bien propre. Note. Quel mal y a-t-il, demandera quelqu'un, à être en opposition avec la volonté d'un autre, c'est-à-dire à être en discorde? La volonté du prochain est-elle donc la règle de la nôtre? La volonté d'un homme devient la règle de la volonté d'un autre par sa conformité à la volonté de Dieu, dont il n'est jamais permis de s'écarter. Quand, au contraire, la volonté de quelqu'un est en opposition avec celle de Dieu, elle n'est qu'une fausse règle qu'il n'est pas permis de suivre. Aussi, bien qu'il soit écrit au livre des Proverbes, 6, 16, il y a six choses que le Seigneur est, et son âme déteste la septième, à savoir, le semeur de discorde. Saint Paul fit une action louable en jetant la discorde parmi certains hommes qu'un dessein pervers avait unis. Fin de la note. 2. La discorde est-elle fille de la vaine gloire? Lorsque quelqu'un s'attache à son sentiment propre, il préfère ce qui lui appartient à ce qui appartient aux autres. Quand cet attachement est désordonné, il procède évidemment de l'orgueil ou de la vaine gloire. La discorde par laquelle on se fixe avec opiniâtreté à son sentiment propre est donc fille de la vaine gloire ou de l'amour propre, bien que souvent aussi elle naisse de l'envie. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.